professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Un aéroport est né. Le 8 mars 1974 est inauguré l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Pas de superflu, titre Le Monde, qui ce jour-là, comme tous les autres journaux, s'intéresse à l'heureux événement. Les inventeurs de l'aéroport Charles de Gaulle n'ont pas cherché à innover à tout prix. N'empêche que pour préserver l'avenir, ces partisans de la juste mesure ont dû parfois imaginer des solutions originales par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Architecte, designer, coloriste, mais aussi sociologue et psychologue, Roissy, une histoire, embarquement immédiat. Vol à destination du cours de l'histoire, départ immédiat, porte D. Ben voilà, nous y sommes et c'est parti. Je vérifie que tout le monde est bien là. Jean-Emmanuel Terrier, bonjour. Bonjour. Stéphanie Quentin, bonjour. Bonjour. Avec cette aventure de l'aéroport de Roissy, 1974, Jean-Emmanuel Terrier, quand même, on avait des aéroports avant autour de Paris. Alors oui, effectivement, il y avait des aéroports. Le tout premier aéroport, en fait, commercial, c'est le Bourget, en 1919. Donc, durant l'entre-deux-guerres, le seul aéroport où on prend l'avion à Paris, c'est le Bourget. En 1939, hein, dernière grande année d'exploitation, on va dire, vous avez à peu près 140 000 passagers au Bourget. Donc ça reste quand même très faible par rapport aux 108 millions de passagers sur Orly plus Charles de Gaulle en 2019. Voilà. Donc en tout cas, premier aéroport commercial, c'était donc le Bourget, 1939. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il y a un deuxième aéroport qui va arriver, c'est Orly. Donc, décision de créer Orly en 1945, en sachant qu'Orly, ça existe déjà en réalité. C'est un terrain militaire qui date de la Première Guerre mondiale. Dans l'entre-deux-guerres, ça sert pour de l'aviation militaire, ça sert pour de l'aviation sportive. Il y a une école de pilotage, Charles Ningesser, une école de pilotage là-bas. Mais en 1945, l'État considère que, de toute façon, le Bourget qu'il faut reconstruire, le Bourget qui était bombardé pendant la guerre, le Bourget ne suffira pas, donc il faut avoir un deuxième aéroport, et on décide de donner à Orly une mission d'aviation commerciale. Jean-Emmanuel Terrier, vous êtes historien, documentaliste au musée de l'air et de l'espace, c'est au Bourget donc. Absolument, voilà. Et des collections sublimes à visiter avec la question de qu'est-ce qu'un aéroport? Qu'est-ce qu'il faut pour un aéroport? Une piste, une tour de contrôle? Ah bah, il faut plein de choses. Piste, donc il faut effectivement une ou plusieurs pistes. Si on prend l'exemple de Charles de Gaulle, il y en a quatre aujourd'hui. Voilà. Donc un terminal ou plusieurs terminaux. On voit pour l'aéroport Charles de Gaulle, il y a le terminal 1 dont on fait l'inauguration, le terminal 2. Alors terminal 2 est arrivé un peu plus tard, à partir de fin 81. Ça s'est développé jusqu'en 2012. Puis un terminal plus confidentiel, le 3. Terminal 3, hein, qui lui donc est plus destiné à l'aviation, on va dire, low cost, hein, c'est, ou des charters, il date de juin 1991. Et puis il faut effectivement une ou plusieurs tours de contrôle, Charles de Gaulle en a plusieurs. Donc un aéroport, c'est une activité, effectivement, c'est un ensemble. Il y a aérogare plus tous les équipements techniques, ce qui forme donc le fameux aéroport. Stéphanie Quentin, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine. La Cité de l'architecture et du patrimoine propose cette exposition consacrée à Paul Andreu. C'est la première rétrospective dont vous êtes commissaire. La question de l'aéroport n'est pas uniquement une question liée à ce que l'on vient d'évoquer, même si c'est déjà complexe, hein, c'est pas simplement une piste. Terminal, tour de contrôle, ça nécessite d'avoir une vision très large de l'ensemble du territoire. Oui, tout à fait. Il y a cette lecture du programme, cette lecture technique, cette maîtrise des données fonctionnelles et rationnelles du programme. Mais il y a aussi cette donnée architecturale. Il y a l'idée aussi de créer un événement architectural à travers l'aéroport. Il y a quelque chose avant la construction de Roissy, on évoquait ces aéroports, le Bourget ou Orly, premier temps, une construction spécifique aux aéroports. Est-ce qu'un aéroport, ça doit ressembler à ça? Ou alors, est-ce qu'un terminal, globalement, c'est un grand hangar qu'on adapte pour accueillir des gens? Au début, oui, c'est un hangar, effectivement. Et puis très vite, et c'est notamment aux États-Unis, grâce à l'architecte Eero Saarinen, que l'aéroport va devenir un événement architectural. On pense par exemple à l'aéroport au terminal de la TWA à New York, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle. Et puis en France, nous avons cet aéroport, Orly. Alors, on l'a bien dit, hein, quand on parle d'un aéroport, il y a plusieurs temps, notamment pour Orly, depuis le début du XXe siècle. Orly a connu plusieurs vies, et notamment au début des années 1960, quand le général de Gaulle inaugure l'aéroport d'Orly. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. Et devant cette grande réussite, nous exprimons la satisfaction nationale. L'aérogare est en effet, par sa conception et par ses dimensions, en proportion de l'énorme et grandissant trafic de l'aéroport de Paris. Elle est, par son architecture et par son équipement, parfaitement adapté à la complexité, à la multiplicité des arrivées, des départs par air, des millions de voyageurs qui passent ici chaque année et dont le nombre ne cesse de s'accroître. Le 24 février 1961, le général de Gaulle qui inaugure l'aérogare d'Orly, Jean-Emmanuel Terrier, ah ben voilà, formidable, nous avons un nouvel aéroport, on va le dire, adapté à ce début des années 60, et il le dit, le général de Gaulle, au développement du transport aérien, bah ça y est, l'affaire est réglée. Bah pas complètement. Pas complètement, parce qu'en fait, donc Orly a été mis en service, on va dire, de manière un peu provisoire, avec des terminaux provisoires à partir de 1946. Le général de Gaulle inaugure le terminal Orly Sud, donc en février 61. Ce qui s'est passé en fait en 45, c'est qu'il y avait une vision sur 20 ans. L'idée, c'était que l'aéroport d'Orly serait le seul aéroport pour les passagers. On visait 6 millions de passagers par an à l'horizon de 1966. C'était ça l'idée. Donc en 45, les choses sont claires. Orly va servir pour les voyageurs. Et puis le Bourget, dans un premier temps, oui. Mais l'idée, c'est que le Bourget soit converti pour du fret petit à petit. Donc on est dans la logique, il n'y a qu'un seul aéroport passager. Sauf que le trafic augmente démesurément, ce qui fait qu'au milieu des années 50, finalement, on va un peu changer d'approche. Et le Bourget voit pas le trafic fret vraiment décoller comme prévu. Et comme à Orly, le trafic voyageur, lui, il augmente beaucoup, on va un peu redévelopper l'aéroport du Bourget. Sauf qu'en 1957, Aéroport de Paris commence à réfléchir à un troisième aéroport. Dès 1957, c'est le projet Paris 3. Alors Paris 3, 1, 2, 3, pas la ville de Troyes, donc Paris 3, parce qu'on se dit, voilà, on est à 10 ans avant la fin des 20 ans de la première période, on va dire, 46-66, on se dit, voilà, il va y avoir un problème de saturation, progressivement. Surtout que, en 1958, le ministère de la Reconstruction souhaite récupérer le terrain du Bourget pour faire de l'immobilier. En 57, Aéroport de Paris considère qu'il faut trois aéroports. Orly, le Bourget, plus une nouvelle plateforme. Mais l'État dit, ben non, nous on aimerait plutôt se séparer du Bourget pour faire de l'immobilier. Il y a à peu près 600 hectares. Et donc en 1959-60, finalement, Aéroport de Paris, qui au début ne souhaitait pas, se débarrasser, entre guillemets, du Bourget, ben finalement, l'État est un peu le décideur dans tout ça. Et donc, très concrètement, il faut prévoir, là, on accélère le mouvement, et il faut prévoir, dès 1961, on sait parfaitement qu'il va falloir une nouvelle plateforme. Dans les années 60, on a déjà un trafic important hein, sur l'aéroport d'Orly. Donc, très concrètement, on sait qu'il va falloir autre chose. Il va falloir autre chose, parce que si l'on regarde une carte, le Bourget, c'est juste au nord de Paris. Orly, c'est juste au sud. La question est, où placer ce nouvel aéroport qui est imaginé, vous venez de le dire, hein, Jean-Emmanuel Terrier, bien avant l'inauguration. C'est en 1974, Roissy. Donc, c'est pensé largement voilà, auparavant. C'est pensé. Donc, dès 57, il y a une première réflexion sur les endroits possibles. Roissy en France s'impose assez vite. Mais il y avait d'autres hypothèses, comme Brétigny et Dourdan. Voilà, il y a eu d'autres hypothèses, mais dans les deux cas, ce n'était pas satisfaisant. Le seul terrain vraiment pertinent, c'était Roissy en France. Stéphanie Quentin, pourquoi Roissy d'ailleurs ? Roissy en France, parce que déjà c'est proche de Paris. On est à 25 km de Paris, grosso modo. Et aussi parce qu'on a un terrain qui fait. On a besoin de 3000 hectares, en gros, pour construire ces nouvelles aérogares de Paris-Nord. Et puis aussi, on veut éviter les expropriations. Et là, on a un terrain agricole, voilà, avec une très faible densité. En fait, il n'y aura qu'une seule ferme qui sera démolie sur l'ensemble de la surface. Donc on a, voilà, un terrain idéal de champs, de pommes de terre, de betteraves, de blé qu'on va pouvoir convertir en aéro-city. Alors, tout est inventé ici, hein, parce que ce n'est pas comme les anciens aéroports Le Bourget ou Orly, où il y avait déjà des structures, là, c'était des champs. On part de rien. Et c'est là qu'apparaît, dans cette histoire, Paul Andreux, l'architecte. Qui est-il d'ailleurs? Il vient d'où cet homme-là? Il a fait quoi comme étude? Mais à l'époque, c'est un inconnu. Hein. C'est un inconnu. Il est très inexpérimenté. Il a 25 ans quand il entre chez Aéroports de Paris, qui s'appelle encore l'Aéroport de Paris, en 1963, comme ingénieur en chef. Il a été formé à l'école polytechnique, à l'école des ponts et chaussées et à l'école des beaux-arts. Et très vite, il va reprendre le chantier de Paris-Nord. Il faut savoir que c'est pas Paul Andreux qui a inventé le plan circulaire, la fameuse route bicyclette, c'est Henri Vicario qui commence à travailler sur le plan circulaire. Mais Paul Andreux, après avoir un petit peu travaillé sur Orly Ouest, va reprendre le chantier de Paris Nord et très vite le transformer dans ce chef-d'œuvre d'architecture qu'on connaît. Ah bah oui, parce que là on peut en parler, hein, chef-d'œuvre d'architecture. Lui, il est polytechnicien. Polytechnicien, école des ponts et chaussées et aussi diplômé d'architecture de l'école des beaux-arts. Hein, et il fait son cursus en même temps que ses premières années à l'école, au sein de l'aéroport de Paris. Et il est jeune. Il est très jeune, il a 29 ans quand il commence le chantier de Roissy. Alors la question que l'on pourrait se poser, c'est comment a-t-il récupéré cet énorme chantier? Ben autant la lui poser. Comment est-ce que vous avez décroché, si l'on peut dire, Roissy? Oh, si vous voulez, je l'ai pas décroché. J'ai eu de la chance. J'étais là, j'avais un diplôme, j'avais peut-être un certain nombre d'idées aussi. Enfin, les gens m'ont fait confiance et j'ai eu la chance d'être là. Ben voilà, 1974, ça y est, Paul Andreux a récupéré le chantier, il a 29 ans, mais c'est un chantier absolument gigantesque. Et vous venez de le dire, Stéphanie Quentin, il y a des choses à inventer, mais il s'appuie déjà sur ce qui est imaginé, notamment le plan circulaire. Ça veut dire quoi un plan circulaire pour un aéroport ? Là, il s'inspire des exemples américains, notamment de Los Angeles, de Tampa, de Houston, et avec cette idée d'un aérogare concentré. L'une des obsessions des architectes dans les années 60, c'est de réduire le temps de trajet à pied des voyageurs, depuis leur voiture jusqu'à l'avion. Hein, l'aéroport est vraiment conçu comme un échangeur entre la voiture et l'avion. Donc le plan circulaire a cet avantage qu'il facilite les trajets, les circulations, et qu'il réduit les circulations puisqu'on concentre toutes les fonctions à l'intérieur du camembert. Roissy fonctionne comme un cœur humain en diastole et systole, c'est-à-dire qu'il concentre, il aspire les voyageurs dans le corps central et il les redistribue, les rediffuse dans les satellites qui rayonnent autour du corps central. Beaucoup de métaphores, du camembert à la circulation cardiaque. Non, mais c'est ça, le camembert, c'est le surnom qu'on a donné très rapidement. Absolument. À Roissy. C'est vrai qu'il y a tant et tant d'exemples dans ces années-là, de réflexions partout dans le monde. Comment construire les aéroports? Le modèle venu des États-Unis, c'est quelque chose de très pertinent? Alors en fait, on est dans la logique un peu du tout automobile aussi, c'est-à-dire que l'accès à l'aéroport doit être le plus simple possible en voiture. Voilà, c'est effectivement inspiré du modèle américain, mais dès l'inauguration de Charles de Gaulle en mars 1974, il y a quand même des critiques, hein, notamment sur l'accès ferroviaire, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de train. Pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle, il faut attendre mai 1976, ils ont Roissy Rail. Mais voilà, c'est déjà un petit sujet de tension, comment on y va à l'aéroport? Sujet qui, au final, on en reparlera peut-être un peu plus tard, est toujours d'actualité. La desserte des aéroports parisiens, que ce soit Orly ou Charles de Gaulle, elle est parfois complexe en transport en commun. Mais il y a cette critique, notamment, qui existe. Mais on est à une époque, effectivement, du tout automobile, et c'est la forme de ce terminal, elle est extrêmement novatrice. Et ce qu'on voit d'ailleurs, la structure en béton qu'on voit au-dessus, en fait, ce sont des parkings. C'est ça qu'on voit en fait. Les parkings sont au-dessus, les installations voyageurs sont en dessous. D'accord. C'est ça qui est assez particulier. Oui, parce que ça, c'est toute la réflexion de Paul Andreux. C'est attribuer à chaque espace une fonction. C'est un système de mille feuilles, mais extrêmement bien précis dans chaque couche. Tout à fait. Ce principe de superposition des fonctions, ça permet de concentrer toutes les fonctions dans un même espace et de limiter les temps de trajet à pied. Et comme vous le disiez très bien, il y a ce parcours du voyageur, les routes s'enroulent autour du corps central, montent jusqu'aux étages supérieurs de parking. Ensuite, le voyageur prend les ascenseurs, descend jusqu'au premier étage, au l'étage de l'enregistrement. Il enregistre ses bagages, il dépose ses bagages. Et ensuite, il traverse le vide central, accède à l'étage de transfert et s'engouffre dans les galeries souterraines pour aller prendre son avion. Oui, parce que maintenant, on sait très bien comment prendre l'avion. Nous sommes dans les années 1970 pour l'inauguration, mais pour la pensée du projet, c'est bien plus tôt. Et ça y est, il y a des flux vraiment très nombreux de voyageurs, des touristes notamment, mais pas seulement. Et donc, tout ça doit être très fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. On connaît ces flux, il y a juste à bien les organiser. C'est comme ça qu'on peut concevoir la pensée de Paul Andreu. Il connaît ces flux. Tout à fait. Déjà, l'aéroport est, comme vous le disiez, fait pour la voiture. Donc, il y a cette idée d'un accès très facilité pour les voitures. Il y avait même des cabines de drive-in. On pouvait enregistrer ses bagages à partir de cabines drive-in, donc à l'extérieur de l'aéroport. Et puis, il y a cette idée aussi des flux, ce qu'on appelle les trottoirs roulants. Aujourd'hui, on est très habitué, mais les flux pédestres sont aussi très mécanisés. Mais oui, parce que... c'est ça, un aéroport, on marche beaucoup. On marche le moins possible. L'idée, c'est ça, c'est de faire marcher le moins possible, de rendre l'accès beaucoup plus aisé, et ça à l'échelle de l'ensemble de la région, de Paris jusqu'à l'aéroport. Une fois arrivé à l'aéroport, se repérer dans ces espaces, des espaces avec chacun des fonctions précises. Quand on regarde là aussi les couleurs, on voit nettement dans l'aéroport ce qu'a pensé Paul Andreu, une fonction, une couleur. Oui, tout à fait. Il a travaillé avec un coloriste conseil, notamment Jacques Filassier, qui va élaborer une chromothèque, donc une gamme de couleurs pour sécuriser le voyageur et lui apporter un certain nombre de repères. Il y a cette idée que finalement l'aérogare est un environnement stressant. Nous, on a tous connu cette expérience encore aujourd'hui, de rechercher sa porte d'embarquement, etc. Donc il y a un travail à la fois sur l'aménagement intérieur, sur la signalétique, sur la couleur et puis sur un certain nombre de choses pour sécuriser le voyageurs. Donc l'orange est réservé aux zones d'attente et de repos, le vert aux zones d'équipement et de service, le jaune pour toute la signalétique directionnelle, c'est le fameux jaune sur lequel il y a les inscriptions, départ, arrivée, etc. Et puis une gamme de couleurs aussi pour la partie boutiquaire, donc la partie commerciale qui va du bleu, rouge et violet. Ce qui prime malgré tout, c'est l'efficacité technique, parce que le passager soit heureux d'évoluer dans ces beaux espaces avec de jolies couleurs, c'est une chose. Mais enfin, ce sont des avions à faire décoller avec des horaires précis à tenir. C'est ça la contrainte première. Oui, absolument, absolument. Alors, je préciserai que Paul Andreu, à propos du travail sur les couleurs et sur l'aménagement intérieur, il s'est aussi intéressé aux stations de métro. On le sait un peu moins, mais il a travaillé pour la RATP avec Joseph André Motte. Voilà, le designer Joseph André Motte. La coque dans le métro, la coque Motte, de siège individuel, c'est Joseph André Motte qui l'a créé. Ah oui, c'est ça, Paul Andreu, c'est pas uniquement penser l'aéroport. Les espaces de transport en général le passionnaient. Et d'ailleurs, Jean-Emmanuel Terrier, vous êtes l'auteur du patrimoine de la SNCF et des chemins de fer. Ce n'est pas le métropolitain, mais nous n'en sommes pas loin. Il y a fort longtemps, un des auteurs. Un des auteurs, voilà. Mais c'est le patrimoine global. Parce que c'est cette réflexion qui rend le travail de Paul Andreu vraiment passionnant. C'est pas simplement l'architecte qui conçoit le bâtiment, et même si la forme est très originale. C'est aussi penser tout ce qu'il y a à l'intérieur. On vient de l'évoquer, le design. Dites-nous, Stéphanie Quentin, comment travaille-t-il? Ou plutôt, avec qui travaille-t-il? Pour la partie architecturale, il s'entoure d'une très jeune équipe d'architectes, trentenaires, quarantenaires, diplômés de l'École des Beaux-Arts. Le travail de recherche sur l'exposition a permis de les retrouver. Il renouvelle cette équipe d'architectes. Et puis, il s'entoure aussi, à partir de 1969, d'un groupe interdisciplinaire de travail. Donc, un coloriste conseil, Filassier, vous parliez de Joseph André Motte, un designer, un sculpteur, Volti, un directeur de la Maison de la Culture, Olivier Catien, et puis un sociologue, Bernard Patarin. Et donc ce groupe de travail se réunit tous les jeudis soirs à Orly pour essayer de réfléchir aux meilleures conditions, aux meilleurs aménagements possibles pour l'aéroport. L'idée, c'est vraiment d'humaniser le sens architectural voulu par Paul Andreu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il se base sur des études psychosociologiques qui ont été commandées par l'aéroport de Paris à partir de 1965, donc à une compagnie française, la compagnie française des économistes et des psychosociologues. Il y a toute une réflexion sur sur l'envol et sur finalement les fantasmes que on peut projeter sur l'envol. Donc une enquête avec des méthodes sociologiques hein, sur le voyageur aérien, sur son comportement. Et donc il y a cette espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'à la fois il y a ce rêve de l'humanité de s'envoler, d'échapper à la gravité, d'échapper au sol, voilà, de dépasser sa propre condition. Et en même temps, il y a une angoisse existentielle, de séparation, de perte de soi et une sorte de transgression. C'est vraiment le mythe d'Icare, hein, c'est le mythe d'Icare, voilà, de l'envol et en même temps de la peur de la disparition. Et c'est pour répondre à cette angoisse-là qu'ils vont concevoir ces ensembles d'aménagement intérieur, de couleurs, de design, ensemble. Paradoxe total, hein. L'envie de partir, la joie de décoller, parce que au bout il y a souvent les vacances, et puis la peur de prendre l'avion. C'est cette réflexion-là qui unit toutes ces personnes qui réfléchissent, et on l'a dit, hein, psychologue, sociologue et designer, Joseph André Motte. Votre art de vivre, l'ouvrage dont nous parlons, traite essentiellement du meuble moderne de qualité. Et non seulement du meuble, mais aussi de tout ce qui est objet d'environnement, et jusqu'aux animations de surface, n'est-ce pas ? Il y aura une très grande part à l'art mural dans cet ouvrage. Autrement dit, on va essayer de montrer le rapprochement qu'il peut y avoir entre une surface murale, un plafond, un revêtement de sol, un meuble, un objet d'industrie, un objet d'artisanat de qualité, peut-être même de l'art graphique, enfin tout ce qui concourt à la vie d'aujourd'hui. En 1968, Joseph André Motte, designer, Jean-Emmanuel Terrier d'ailleurs, quand on voit ce design qui a été conçu spécialement pour l'aéroport de Roissy, bien sûr, on a tout de suite des étoiles dans les yeux, parce que c'est une période, tant par la couleur que par les formes. Oui, oui, oui, c'est très, très daté, effectivement, années 60-70. Ce qui est intéressant sur l'aménagement qu'on voit sur donc le terminal 1, initialement était prévu d'avoir en tout 5 terminaux identiques. Donc avec ce design, avec cette apparence béton brut, très années 60-70. Et finalement, avant même l'inauguration du Terminal 1, l'idée de le dupliquer en 4 modèles identiques, en fait, elle est abandonnée. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs facteurs. D'une part, on se rend compte que peut-être après, en termes d'exploitation, ce ne sera pas si idéal que ça. Autre problème, la crise pétrolière, 1973. Donc là, il y a un doute sur le développement du trafic aérien. Et le problème, c'est que ces terminaux sont un peu figés. C'est-à-dire que ce n'est pas extensible. Ce camembert, on ne peut pas agrandir le camembert. On ne peut pas l'agrandir. Donc, assez rapidement, avant même l'ouverture hein, de CDG 1, il y a une réflexion pour avoir, donc, pour le terminal 2, un système beaucoup plus modulaire. Et à partir de 1981, donc les voyageurs vont découvrir une architecture qui n'a strictement rien à voir, beaucoup plus transparente, et avec des terminaux qui vont pouvoir donc s'aligner les uns après les autres au fur et à mesure de l'évolution du trafic. C'est ça qui prime à l'époque. CDG, Charles de Gaulle, évidemment. Des terminaux, donc cette forme de camembert, ce design des années 1960-70, oui. C'est tout en couleur, c'est tout en rondeur. Le rond, la forme, la courbe, c'est important pour Paul Andreu. Le rond et d'une manière générale les courbes plutôt. Je crois que ça a vraiment à faire avec le sujet, dans la mesure où moi j'ai toujours l'impression qu'une forme courbe, c'est une forme plus contenante et plus protectrice, et que c'est le sein de la mer, et c'est la paume de la main, et c'est un certain nombre de choses comme ça qui contiennent et qui tiennent, et dans lequel on peut être assuré, on peut se loger, si j'ose dire. Donc, je suis sûr que ce long dialogue que j'ai avec les courbes a à voir avec le sujet que je traite. Et d'une manière générale, je dirais qu'il y a aussi une chose qui est tout le temps là, et dont je pense qu'elle a un rapport très direct, qui est une espèce de recherche de vérité, au sens de l'adéquation des objets à ce que l'on comprend. Qu'une poutre soit une vraie poutre, que si le matériau est du béton, mais j'aime bien que ce soit du béton. Et ben au moins comme ça c'est clair en 1993, Paul Andreu, oui, que le béton soit du béton, que la poutre soit une poutre et que la courbe soit une courbe. Stéphanie Quentin, dans sa démarche d'architecte, il faut aller à l'essentiel. Vous l'avez dit, hein, les fonctions par niveau, par bâtiment, tout est très clair avec des couleurs associées. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de superflu. Non, et puis d'ailleurs, c'était une vision commune avec Joseph André Motte. Il y a cette idée d'affirmer la vérité du béton, donc un disque en béton brut, de ne pas mentir, de ne pas tomber ni dans le décoratif, l'ornemental, le pittoresque. Au contraire, d'affirmer la vérité du matériau. Et pour André, le béton, c'est très important parce que ça a une dimension essentielle. C'est la connivence avec le sol, en fait. Donc, il y a ce rapport à la terre qui est très important dans son architecture. On le voit aussi dans les traitements du béton. Ils sont magnifiques. C'est les différents coffrages qui ont été utilisés pour Roissien. Il y a cet aspect presque naturalisant qui lui donne presque l'idée d'une caverne. Voilà, ce côté épiderme, très à la manière d'une grotte, qui est très expressif. Mais on n'y pense pas, quand on est dans l'aéroport, on attend son avion, on se dépêche, on passe au duty free, et puis on s'arrête un moment et on se dit c'est quand même impressionnant ce lieu-là. C'est cela aussi, l'aéroport doit être impressionnant, mais ne doit pas écraser. C'est complexe. Dites-nous, Jean-Emmanuel Terrier, avec Roissy, en tout cas ce que conçoit Paul Andreu, on est vraiment dans une révolution de la conception d'un aéroport par rapport à ce qui se faisait ou ce qui se fait au même moment. Alors, quand on regarde par exemple l'aéroport du Bourget, donc au tout début, c'était des bâtiments, en 1919-1920, des bâtiments assez spartiates. Il faut attendre 1937 pour qu'on ait un vrai bâtiment. Donc c'est Georges Labro, l'architecte qui est moins connu que Paul Andreu et Henri Vicario. C'est un architecte des PTT. Voilà, il s'occupait de faire des bureaux de poste et des centraux téléphoniques. Il a gagné le concours pour l'aérogare du Bourget. À l'époque, lui, il arrive à intégrer dans le bâtiment toutes les fonctions de l'aéroport, les fonctions donc pour accueil voyageurs, les services techniques, la tour de contrôle. Donc il intègre tout, alors qu'initialement, tout est un peu dispersé. Après la Seconde Guerre mondiale, donc au début, Orly, on est sur des aérogares très provisoires, des petits bâtiments, en attendant la révolution, parce que la première grande révolution, ça a été Orly Sud, actuel Orly 4. Donc ça, c'est Henri Vicario. On a entendu tout à l'heure Général de Gaulle qui inaugure ce monument, qui fut à une époque un lieu extrêmement visité. Il y avait presque autant de voyageurs pour prendre l'avion que de visiteurs pour regarder les avions. Donc, et après, il y a eu donc Orly Ouest, 1971. Mais ce sont des bâtiments donc assez différents, beaucoup plus transparents. Là, on a quelque chose effectivement d'assez massif, avec ce béton brut, ce bâtiment qui fonctionne comme un cœur. C'est effectivement assez révolutionnaire, donc inspiré des États-Unis. Le voyageur qui arrive en mars 1974, les premiers vols, il doit être un peu, comment dire, éberlué par ce cœur, avec ces escalators que vous avez, ces grands tapis roulants que vous avez au cœur de l'aérogare. Là, c'est très transparent. Autant autour du cœur, on va dire, c'est assez sombre, c'est du béton, mais au cœur, vous avez même un jet d'eau qui vous emmène, effectivement, c'est l'envol. Donc, pour le voyageur, c'est la métamorphose. Ouais, c'est cette métamorphose-là, avec toutes ces inspirations qui nous conduisent dans un pays merveilleux. Tiens, quel est ce petit bruit de pas? C'est un lapin? Un beau lapin blanc? C'est bizarre, il est habillé, et même fort coquettement. Mais c'est une montre qu'il tire de la poche de son gilet rouge. Il parle tout seul. Qu'est-ce qu'il marmonne? Je vais être en retard, je vais être en retard. Qu'il est bizarre, ce lapin blanc. Il faut que je le suive. Par la pointe de mes oreilles et les poils de mes moustaches, je vais être en retard. Je vais être vraiment en retard. Hé, hey, monsieur le lapin blanc, dites-moi pourquoi vous allez être en retard. Hep, attendez-moi. Mais au détour d'un buisson, le lapin blanc avait brusquement disparu, englouti par un terrier. Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, racontée par Micheline Prel, sublime Micheline Prel. En 1972, on est pendant les travaux de Roissy, le lapin était-il en retard pour prendre son avion? Dites-nous Stéphanie Quentin, c'est moi que vous avez évoqué ça, ce cœur du cœur de Roissy, il y a quelque chose de merveilleux ici? Oui, il y a cette notion de passage, cette notion de traversée qui est au cœur de l'architecture de Paul Andreu, qui est aussi au cœur de l'exposition à la Cité. Vous parliez tout à l'heure de Orly comme monument. En revanche, Paul Andreu, lui, conçoit cette architecture comme un espace en mouvement. Il y a vraiment cette idée de passage, d'envol, qui revendique le fait que l'architecture ne se voit pas d'un point de vue statique, mais d'un point de vue dynamique. C'est un parcours symbolique, un parcours ascensionnel. Et à Roissien, c'est évidemment le plus magistral des parcours, parce qu'il y a deux moments un peu dramatiques dans le parcours du voyageur. Quand il traverse ce vide central, rappelons que c'est un disque opaque. Le vide central, c'est le seul endroit où on voit le ciel. Hein, c'est la première promesse du voyage. On traverse les tubes transparents et voilà, on voit le ciel. On traverse la mer, la fontaine d'eau qui jaillissait à l'origine en bas. Donc comme Icare, on traverse la mer. Puis on s'enfonce dans un tunnel de 150 mètres de long qui passe sous les pistes, caverneux, sombre, étroit, resserré sur le corps humain. Et on débouche dans les satellites qui sont, eux, entièrement transparents, entièrement vitrés. La fenêtre vers le ciel est donc le début du voyage. Stéphanie Quentin, dans l'exposition à la Cité de l'architecture et du patrimoine, l'exposition consacrée à Paul Andreu, on voit bien que tout ce que vous nous racontez là, c'est ce que lui-même portait dans sa réflexion au quotidien et notamment à travers ses carnets. Oui, tout à fait. Les carnets de dessin de Paul Andreu sont vraiment le support de sa recherche architecturale et revient toujours cette notion de passage, cette notion de traversée, que ce soit pour les aérogares d'une manière un peu littérale, mais aussi pour ces édifices culturels, pour le musée maritime d'Osaka, pour l'opéra de Pékin. Il y a cette même notion d'envol, qu'il soit voilà, littéral ou métaphorique. Est-ce qu'on la voit vraiment, cette émotion? Enfin, on la voit, on la ressent, mais de manière complètement inconsciente. Jean-Emmanuel Terrier, c'est vrai que cette approche-là est très intéressante pour réfléchir à l'aéroport, comment l'architecte et puis tous ceux et celles de son équipe ont pu penser le lieu. C'est bizarre, hein, on n'y pense pas du tout, mais ça nous conduit à Alice au Pays des Merveilles, le terrier, le ciel, la sortie. Oui, il y a un côté magique, hein, quand on découvre Charles de Gaulle 1, donc le terminal, c'est sûr ce côté cœur, après tous ces vaisseaux qui vous emmènent vers des satellites, et là vous avez la lumière. Oui, c'était extrêmement avant-gardiste. Avec le seul inconvénient de ce terminal, c'est qu'il n'était pas extensible. C'est la seule limite qu'on puisse y trouver, alors qu'après, il embraye sur des terminaux 2A, 2B, etc., qui, eux, sont modulaires. Alors, il change complètement d'approche avec le terminal 2. Oui, parce que le 1, c'est ce rond central, c'est ce rond, et voilà. Le camembert ne peut pas grossir. Voilà, le camembert ne peut pas grossir. On n'a pas dupliqué le camembert, ce qui était prévu au départ. Et après, on passe à quelque chose de beaucoup plus évolutif. Un peu ce que Georges Labro, dans les années 30, avait imaginé pour le Bourget. Il s'inspire un peu de ce qu'avait fait Labro. Et pour Orly, Orly était évolutif? Alors Orly sont deux bâtiments entre guillemets fixes. Hein, voilà. Donc il y a Orly Sud en 1961. Au bout de quelques années, on se rend compte que ça ne va pas suffire, que Orly Sud va être saturé en 1970. Hein, c'est de 61. Et très rapidement, dès 62-63, on se dit qu'en 70, ça va être saturé. Donc en milieu des années 60, on va lancer Orly Ouest, actuel Orly 1 et 2. Mais là encore, ce sont des bâtiments figés. C'est beaucoup plus tard, c'est en 2019, qu'on a réuni les deux terminaux Orly Sud et Orly Ouest, ce qu'on appelle Orly 3 maintenant, ça c'est 2019. Mais à l'origine, ce sont deux bâtiments séparés. Avec ces bâtiments qu'il est bon d'aller visiter, je ne sais pas quel jour, bon, allez, on va dire un dimanche. Dimanche. À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport on voit s'envoler des avions pour tous les pays tout l'après-midi. Y'a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée, à 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit. et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point. Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat, porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston, vol Air France 007. Embarquement immédiat, porte numéro 40. Poésie aéroportuaire, le dimanche à Orly de Gilbert Bécaud en 1963 et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec à la technique Anthony Thomasson. Ah, dites-nous Stéphanie Quentin, le dimanche à Orly c'est bien, mais alors Roissy, non, ce n'est pas possible. Ah non, c'est pas du tout la même conception, c'est pas la même expérience du voyage. Effectivement, on va au dimanche à Orly comme une expérience de loisir, alors que Roissy est vraiment conçu comme une machine à voyager. Donc avec cette volonté d'efficacité, de rendement, ces 6 millions de voyageurs. Voilà, il y a l'idée d'une fonctionnalité à respecter. Voilà, c'est ça, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans le même esprit, finalement, années 60, vous aviez même des bacs à sable à l'aéroport d'Orly. Les gens venaient le dimanche, hein, comme le chantait Gilbert Bécaud, il y avait des bacs à sable, il y avait un speaker qui vous expliquait un petit peu voilà, l'ambiance, tel avion qui va décoller. En 74, mars 74, c'est de Charles de Gaulle. Non, effectivement, on peut très bien aller tout en haut, remarquez, hein, tout en haut, il y a une terrasse, mais c'est pas l'esprit. C'est pas ça qu'on vous invite à faire. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Et puis, au moment de construire un tel aéroport, bien entendu, il y a des critiques, particulièrement des riverains. L'aéroport de Roissy en France va se trouver là, les pistes vont arriver à quelques 100 mètres d'ici et le bruit sera intolérable, il nous sera impossible de rester sous ce bruit d'avion. Est-ce qu'on vous a conseillé de partir? Est-ce que c'est vous-même qui avez déterminé qu'il serait impossible de rester? Bien sûr que non. Si on avait exigé que nous partions, il aurait fallu verser des indemnisations, bien sûr. J'ai fait construire par un permis de construire qui m'était délivré en 1966. Et sur ce permis de construire, il n'y avait absolument aucune restriction à la construction. Nous nous trouvons donc maintenant en zone résidentielle. Alors ici, vous êtes en zone rurale. Et en plus, vous êtes au point de vue bruit, en zone de nuisance grave, qui est la zone A. Autrement dit, c'est uniquement cette route qui doit théoriquement nous arrêter les bruits. Théoriquement. Jean-Emmanuel Terrier, vive ces contestations de riverains. Et oui, parce que l'aéroport Charles de Gaulle, donc Paris-Nord à l'époque, hein, le nom d'origine c'est l'aéroport Paris-Nord, donc la décision c'est 1964, les travaux commencent en 1966, mais le problème c'est qu'évidemment il y a beaucoup de riverains qui se plaignent. Alors, on disait tout à l'heure que c'est une zone qui n'est pas tellement urbanisée à la base, hein, sauf qu'à partir de 1964, on a décidé de faire l'aéroport, mais on a quand même accordé des permis de construire. C'est-à-dire qu'on a laissé construire, c'est peut-être l'erreur. L'État a laissé construire. Ce qui fait que vous avez évidemment des riverains qui disent « Attendez, moi j'ai acheté un terrain, ou alors j'habite dans ma maison, et puis j'ai les avions qui passent au-dessus de chez moi, qui vont passer au-dessus de chez moi, sans compter les nuisances qu'il y a donc à venir. » Les avions ne sont pas encore là. Donc oui, il y a une contestation locale qui est forte. Surtout qu'il y a une autre contestation aussi du côté d'Orly. Vous avez aussi des riverains du côté d'Orly qui obtiennent un couvre-feu en 1968. Le fait qu'il n'y ait pas d'avion la nuit à Orly, c'est 1968. Donc la contestation, en fait, elle se contamine, entre guillemets. Effectivement, c'est la question des riverains, elle est fondamentale, aujourd'hui encore, hein, bien évidemment. Donc il va y avoir différentes zones qui vont être mises en place par le gouvernement, avec des indemnisations. Vous avez des exploitants agricoles qui sont indemnisés. Mais bien évidemment, ça n'empêche pas la colère de certains. C'est sûr qu'il y a un peu un clivage entre entre la France, on va dire, le développement économique, on va dire, la France de demain, et puis une France plus rurale, une vieille France. Donc c'est sûr que c'est très clivé à cette époque-là. Mais l'erreur a été sûrement de laisser construire peut-être trop d'habitations avant même que l'aéroport n'arrive. Et puis le contexte international, il y a cette crise pétrolière. On est en 1973 avec le choc pétrolier, 1974 avec l'inauguration. Stéphanie Quentin, est-ce que tout cela est pris en compte par Paul Andreu? Est-ce que c'est quelque chose qui, au moment où il réfléchit à la construction de son aéroport, lui pose des soucis? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'il prend en compte. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que très vite, il va revenir sur le modèle de Roissien. En fait, très vite, dès 1969, il envisage l'extension et l'aérogare 2. Et voilà, il change aussi de conception et de schéma d'extension, de croissance, pour ces raisons-là aussi. Dans la rétrospective Paul Andreu à la Cité de l'architecture et du patrimoine, c'est sublime. Hein. On voit les documents d'architectes et la scénographie est magnifique. C'est très très beau, mais bien sûr il y a des critiques. Quelles ont été les critiques auxquelles il a dû faire face? Qu'est-ce qu'on lui a reproché avec ce nouvel aéroport? Il y a deux niveaux de critiques. Il y a les critiques des voyageurs qui, en fait, l'un des gros inconvénients des plans centrés, des plans circulaires, c'est se repérer dans l'espace. Parce qu'évidemment, à chaque endroit du camembert, c'est un peu difficile de savoir où on se trouve. Vous êtes dans la maison ronde, la maison de la radio. Vous savez de quoi je parle. Et donc, par exemple, il y a eu des petites inventions que je trouve assez formidables pour les étages de parking, pour retrouver sa voiture. Jacques Filassier avait créé une petite fleur colorée et chaque automobiliste avait le droit à une pétale avec un code, lettre et le numéro du niveau pour retrouver sa voiture, justement pour faire face, pour essayer de pallier à cet inconvénient du plan circulaire. Et puis après, sur le plan architectural, c'est un peu différent. Les critiques étaient moins nombreuses, mais c'est vrai que ce disque en béton brut a pu choquer certains, parce que l'édifice a parfois été qualifié de brutaliste. Hein, c'est vrai que cette architecture très audacieuse, très radicale, a frappé les esprits, mais a aussi été reconnue quand même très vite comme une référence unique en termes d'architecture d'aéroport. Et puis vous l'avez évoqué, hein, les distances, ça a été quand même aussi une grosse question, parce qu'il faut marcher, et on n'a pas du tout envie de marcher. Ah, sur le terminal 1 de Paul Andreu, oui, on ne marche pas beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à se repérer parfois, ce côté cercle est un peu compliqué à appréhender, mais après, pour aller vers l'avion, on marche assez peu. Alors que sur le terminal 2, donc ça c'est la suite, à partir de 1981, là on a plutôt tendance à marcher beaucoup. Voilà, pour aller d'un terminal à un autre. Donc c'est une conception assez différente, mais le terminal 2, il a été conçu pour le développement du trafic au fur et à mesure. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est parfois, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est long ? En fait, ça a été développé par rapport à l'augmentation du trafic. Le premier terminal, il ouvre en 81, et la conception de tout ça se termine, on va dire, en 2012, avec le dernier satellite du terminal 2. Oui, c'est ça, c'est cette longue histoire et tout est évoqué dans l'exposition et notamment au moment où au terminal, c'est le E, où il y a cet accident, cet effondrement qui reste dramatique hein, avec des victimes. On connaît bien cette histoire-là. Pour nous, il est temps d'inaugurer l'aéroport pour voir ensuite comment il fonctionne. Dans les mois et peut-être dans les années qui viennent, le transport aérien dans le monde continuera de souffrir de la hausse des prix du pétrole. Sa progression sera plus lente. Des escales et certains vols pourront être supprimés. Et déjà, diverses mesures d'économie ont été arrêtées. Mais en dépit des difficultés, le développement des transports aériens ne sera pas arrêté parce que les voyages aériens correspondent aux goûts, aux rêves et aux besoins des hommes. Par ces baies, nous pouvons voir se profiler Concorde. Cet aéroport et cet avion ne sont pas liés seulement par la beauté de leur ligne. L'un et l'autre expriment une même ambition, celle d'un pays qui a voulu d'abord, qui a appris ensuite à épouser son siècle. Pierre Messmer qui inaugure l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 8 mars 1974, avec la question qui se pose, ça y est, l'aéroport est là, il est inauguré, les passagers peuvent arriver. 5 jours plus tard, il y a le premier avion qui atterrit. Ça fonctionne ? Ah oui, ça fonctionne. Donc le 13 mars, c'est TWA, premier appareil qui vient de New York. Donc voilà, tout premier appareil qui inaugure l'aéroport Charles de Gaulle. Donc en dépit des critiques des passagers qui peuvent exister sur l'orientation, bah, ça fonctionne bien, surtout que la compagnie nationale arrive quand même, heureusement. Ça aurait été un peu gênant que les compagnies Air France ne viennent pas. Et au bout de 5 ans, on est à peu près à 10 millions de passagers par an. Donc on arrive déjà au bout de 5 ans à la limite hein, de la capacité du terminal. Et puis il y a vraiment cette scénographie, on peut le dire ainsi, qui ne peut qu'impressionner les passagers qui arrivent. Alors c'est sûr qu'au moment de récupérer sa valise, si elle est perdue ou s'il y a un problème de tapis roulant, ce qui peut arriver, ça agace. Mais il y a tous ces objets que l'on peut qualifier d'art, parce que c'est la conception aussi de Paul Andreux, c'est une création artistique. Oui, tout à fait, il le revendique. Et c'est ça qui est assez exceptionnel dans son parcours, c'est qu'il est à la fois architecte et ingénieur, donc il a cette grande culture technique, il a cette conscience de l'importance de la fonctionnalité, de l'efficacité du programme. Et pour autant, il a toujours voulu dépasser cette lecture technique et voilà, transformer le programme de l'aéroport très fonctionnel, très rationnel, en un événement architectural. Ça, c'est très important. Et puis, le moindre siège, et on l'a cité, hein, Joseph-André Motte, qui est le designer, aujourd'hui est très très recherché parce que bah, c'est le signe d'un moment, une période de notre histoire. Et c'est bon, faut aimer le orange, mais pas que. Et c'est ultra fonctionnel, c'est très beau. C'est un design qui est, on le voit bien dans l'expo, dans les croquis de Paul Andreux et dans tout ce qui est réfléchi. Vous avez eu du mal, d'ailleurs, à retrouver certains éléments de Roissy Malheureusement, voilà, on a cette image de Roissien en béton brut, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un aérogare très coloré. Et le orange, il est là justement pour attirer l'attention du voyageur et dire voilà, ici est une zone de repos. On a eu beaucoup de mal puisque tous les sièges d'origine, donc les sièges de forme circulaire de Joseph-André Motte, ont disparu, hein, ont été remplacés assez rapidement. Et donc là, on a eu la chance d'avoir une variante commerciale, une édition commerciale, aussi des années 1970, aussi de Joseph-André Motte et par la même maison, MPS, de forme elliptique qui est présentée dans l'exposition. Et puis, on le rappelle aussi qu'un aéroport, c'est un lieu de commerce avant tout, c'est l'économie. Alors, économie de l'avion, bien sûr, et pas seulement, il y a tous les magasins. Jean-Emmanuel Terrier, tout ça, on le voit bien, c'est pensé, surpensé, sans cesse pensé pour que les gens consomment. De plus en plus, voilà, effectivement, les espaces, les aérogares, comme les gares, hein, deviennent des espaces commerciaux. C'était moins le cas au départ, mais petit à petit, effectivement, il y a de plus en plus de commerce. Il n'y a pas que le duty free, hein, loin de là. Il y a toute cette activité commerciale qui se développe de plus en plus. Il y a même une activité muséale hein, sur le terminal 2 de Charles de Gaulle. Il n'y a pas que du commerce, il y a aussi un petit peu de culture. Voilà, je défends les musées en tant que musée de l'air et de l'espace. Voilà, vous faites bien de le faire. Et dès 1970, en fait, Paul Andreux et son équipe pluridisciplinaire vont intégrer la publicité. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont concevoir des supports publicitaires, des cubes publicitaires, des sphères publicitaires. En fait, là, la publicité va être très maîtrisée par les designers, par les coloristes et par le typographe Adrien Frutiger. Parce que Paul Andreux, c'est l'architecte des aéroports de Paris. C'est un statut complexe. Quand on regarde tout ce qu'il a pu réaliser dans le monde, on est stupéfait. Hein. Le nombre alors, d'aéroports, ça, c'est une chose, mais pas seulement. Donc, lui, il est rattaché à Aéroports de Paris, donc c'est pour ça qu'il est architecte de ces aéroports, mais en parallèle, il propose des choses partout dans le monde. Oui, alors c'est un architecte d'entreprise, effectivement, mais c'est aussi un architecte auteur qui très vite va revendiquer son statut de créateur. Donc il a cette double casquette et en fait c'est grâce à son talent, tout comme Vicario d'ailleurs, qu'il va complètement dépasser le mandat initial d'Aéroports de Paris. Il faut rappeler que l'aéroport de Paris, quand il est créé par ordonnance en 1945, c'est seulement pour l'exploitation, la maintenance et la construction des aéroports francilien dans la région parisienne. Mais grâce à son expertise dans l'architecture des aérogares, il va réussir à s'imposer et notamment à construire après la crise pétrolière dans les pays au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique. Voilà, il va réaliser une vingtaine d'aéroports dans le monde entier, du Chili jusqu'au Japon, de Roissy jusqu'en Afrique, jusqu'en Tanzanie. En passant par Nice. Aéroport de Nice, aéroport de Nice. 2 minutes d'arrêt. Odile de Ré ? Non. Oh, pardon. Excusez-moi, je cherchais Odile de Ré. Vous êtes Odile de Ré ? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. C'est moi. Ah. Je suis envoyé par l'agence Security. Et vous êtes ? À l'arrêt ou pas ? Ça, je sais, mais votre nom, c'est quoi ? Oh, Serge. Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Ah. Non, parce que Karamazov, les frères, aucun lien, fils unique. Ah d'accord, oui, bien sûr. Oui, c'est drôle. C'est vrai. Attention, attention. Les avions. Non, merci, j'essaye d'arrêter. Ok, merci. Elle et Marc sont attendus quai numéro 1. Attention, l'arrière de l'appareil ne dessert pas les villes de Côte et merci de votre attention. L'aéroport de Nice présenté dans La Cité de la Peur, le film de Les Nuls en 1994. Jean-Emmanuel Terrier, bah oui, Nice, entre autres, c'est Paul Andreu. Oui, le Terminal 2 de Nice Côte d'Azur, effectivement, c'est Paul Andreu. Donc, d'ailleurs, Paul Andreu, il quitte Aéroport de Paris, je crois que c'est en 2003, et après, il continue sa carrière, hein, donc à travers le monde, beaucoup en fait à travers le monde, donc pour ses différentes œuvres. Mais ce qui est intéressant dans La Cité de la Peur, on entend donc Aéroport de Nice, 2 minutes d'arrêt, hein, donc ça pose aussi la question du train qui arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut attendre mai 76 pour que Roissy Rail arrive, c'est l'ancêtre du RERB, et aujourd'hui c'est une problématique forte, hein, la question de l'accès aussi bien à Roissy qu'à l'aéroport d'Orly. Oui, c'est ça, hein, c'est toujours cette question d'accès, c'est une vision très large en fait de ce qu'est un aéroport, et à l'intérieur de l'aéroport, c'est de ce que l'on propose aux passagers, aux passagères, avec dans le cas de Paul Andreu, d'autres réalisations qui n'ont rien à voir avec l'aviation, si ce n'est l'envol des opéras. On a ici toujours ce même souci d'ailleurs d'insérer ce bâtiment, cette création, dans un univers, dans la nature même. Oui, tout à fait. Il a pu très vite, à partir des années 1970, s'inspirer de métaphores naturelles. Donc ces aéroports ont pu être conçus comme des jardins, par exemple comme à Jakarta, en Indonésie. Quand il va construire à l'étranger, il va se détourner un peu du modernisme en béton brut pour rechercher d'autres métaphores. Et notamment, il va rechercher son inspiration dans les mythes fondamentaux de l'architecture. Donc le jardin à Jakarta, la grotte à Abu Dhabi, la forêt aussi. Il comparera souvent les aéroports à des forêts, à des clairières et en concevant des structures canopées en béton. Et il compare les avions à des oiseaux qui viennent se poser sur les aéroports. Il y a beaucoup de poésie hein, dans cette histoire-là. Beaucoup de poésie avec le travail de Paul Andreu. La grande lecture que l'on peut avoir, c'est la question aussi du vieillissement. On l'a dit, alors il y a l'idée de pouvoir s'étendre et ça a été pensé dans un second temps, c'est-à-dire que Roissy 1, c'est ce rond et c'est dur d'étendre un rond, et après pour les autres terminaux, ça s'étend. Est-ce que ça a bien vieilli, Roissy ? Alors, ça a bien vieilli parce que c'est bien né, dans le sens où il y a 3257 hectares. La superficie, c'est 3257 hectares. Si on prend le Bourget, donc, qui a été aménagé surtout durant l'entre-deux-guerres, on est à peu près à 550 hectares. Orly, c'est 1500 hectares. Et Charles de Gaulle, l'aéroport Paris-Nord du Charles de Gaulle, c'est 3257 hectares. C'est un tiers de la ville de Paris. La force, dès le départ, c'est qu'Aéroport de Paris a cherché un site suffisamment grand pour l'extension du trafic. Le Terminal 1, effectivement, c'est 10 millions de passagers en 1980. Aujourd'hui, avant la crise sanitaire, on est à 76 millions. Donc on a passé comme ça, on a pu passer des caps, 20 millions c'est en 89, 30 millions c'est en 96, 40 millions c'est en 1999, et au début du 21e siècle, en 2004, on est déjà à 51 millions de passagers. Donc on gagne comme ça des dizaines de millions de passagers, parce que le terrain est suffisamment grand, il n'y a pas besoin de l'étendre, hein. Tout ça s'est fait sans extension du terrain, c'est-à-dire qu'au sein même de la superficie des 3257 hectares, on a pu rajouter différents terminaux. Donc il y a eu un projet de terminal 4 qui a été abandonné hein, pendant la crise sanitaire, donc on verra la suite. L'histoire s'écrit hein, toujours, l'aéroport Charles de Gaulle c'est une histoire qui n'est pas terminée. Voilà, j'ai lu sur le site d'Aéroports de Paris qu'il y aurait une concertation à la fin de l'année sur l'avenir, la suite de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Voilà, mais la force de cet aéroport, il vieillit bien, entre guillemets, parce qu'il est bien conçu, il est grand, il y a 4 pistes. Au début, il n'y avait qu'une, donc on a prévu de toute façon de pouvoir développer l'aéroport. La force de cet aéroport, et c'est ça qui a posé problème pour le Bourget et aussi pour Orly, on ne peut pas développer ces aéroports démesurément, on n'a pas pu pour le Bourget en tout cas, à cause d'une superficie trop réduite. Voilà, et donc pour Roissy, c'est imaginable. Et puis, pour terminer cette émission, Stéphanie Quentin, on peut quand même le dire dans tous ces paradoxes que l'on a pu évoquer, par exemple, rassurer le passager et en même temps alimenter son excitation de partir, ce paradoxe de rendre quelque chose de fluide alors que c'est une énorme usine pour accueillir tout le monde, il y a le contraste entre la nécessité d'être efficace pour un architecte et la beauté de ses réalisations, des plans. C'est d'une esthétique absolument remarquable, hein, ces projections d'architectes que l'on voit dans l'exposition à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Oui, tout à fait. Bah, c'était aussi quelqu'un qui revendiquait vraiment le dessin comme à la base de comme la base de sa pratique. C'est aussi un architecte diplômé de l'École des Beaux-Arts. Et il avait cette idée que l'architecture est un art. L'architecture est d'abord un acte de création, un acte de poésie. Et c'est ça qui doit voilà, vraiment prédominer dans la conception même d'un aérogare. Ben c'est ce que l'on ressent à visiter cette exposition. C'est passionnant. Je suis allé au vernissage, passionnant. Donc, n'hésitez pas. Et ben voilà, vous êtes vernis. Merci vivement à tous les deux, Jean-Emmanuel Terrier, ce qui nous donne l'occasion de rappeler qu'il faut aussi faire un petit tour au Bourget pour le musée de l'air et de l'espace. Voilà, collection remarquable aussi. Dans l'aérogare des années 30. Et ben voilà, comme ça, ça nous permet d'avoir un temps long. Et merci à vous également, Stéphanie Quentin. Pour nous, le voyage continue. Voici Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi la bataille du Champ des Merles a-t-elle été exploitée par les nationalistes serbes ? À partir des 11e, 12e siècles, les Serbes commencèrent à s'émanciper de la tutelle exercée depuis des siècles par l'Empire byzantin. En 1346, Étienne IX se fit couronner empereur des Serbes et des Romains. Mais pour contenir la poussée turque, les Serbes livrèrent une bataille décisive le 28 juin 1389 à Kosovo-Polje, un nom qui signifie en serbe le champ des Merles, situé dans la banlieue de Pristina, la capitale actuelle du Kosovo. Une armée formée de Serbes, mais aussi de Bulgares, d'Albanais et de Valaques, commandée par Lazar, le prince de Raška, nom d'une province de l'actuelle Serbie, affronta ce jour-là l'armée du sultan ottoman Mourad Ier. Elle était composée de Turcs et de mercenaires, plus souvent chrétiens que musulmans. Parmi eux, les redoutables janissaires, une troupe d'élite formée d'enfants enlevés à des familles chrétiennes et élevés dans le métier des armes. Mourad Ier fut tué au cours de la bataille, mais son fils Bajazet en sortit victorieux et fit décapiter le prince Lazar. La Serbie tomba alors sous la tutelle ottomane et y resta jusqu'au congrès de Berlin en 1878, qui reconnut officiellement son indépendance. En 1912, le Kosovo, qui dépendait de l'Albanie, fut annexé par la Serbie car cette région était considérée comme le berceau de la nation serbe, bien qu'elle soit composée en majorité d'Albanais et de musulmans. En 1918, la naissance de la Yougoslavie, devenue un État communiste en 1945, permit d'atténuer les tensions entre ces peuples aux histoires diverses. Mais l'effondrement du modèle soviétique entraîna l'implosion de la Yougoslavie et raviva les tensions ethniques. Dès 1982, 21 dignitaires de l'Église orthodoxe avaient signé un appel dénonçant le lent génocide dont était victime, selon eux, la minorité serbe du Kosovo. Cette protestation publique fut suivie par un grand nombre de manifestations qui connurent leur paroxysme en 1989 lors des cérémonies du 6e centenaire de la bataille du Champ des Merles. Des processions exhibant les reliques du prince Lazar furent organisées dans toutes les régions de Yougoslavie habitées par des Serbes. En prenant le contre-pied de la politique dite de fraternité et d'unité qu'avait impulsé Tito, Slobodan Milošević, le nouveau dirigeant communiste serbe, emboîta le pas des religieux. Le 28 juin 1989, lors de la commémoration des 600 ans de la bataille du Kosovo, il prononça un discours s'appuyant sur l'histoire pour exalter le nationalisme serbe. Ce fut un tournant tragique pour cette région, car l'engrenage des haines aboutit au déclenchement d'une guerre particulièrement atroce. Elle se déroula à l'intérieur de ce qui fut pendant 73 ans un même pays, opposant des peuples qui, à l'exception des Albanais, parlaient la même langue, le serbo-croate, et qui ne se distinguaient l'un de l'autre que par la religion. Encore faut-il préciser que les croyances religieuses s'étaient beaucoup affaiblies au cours du XXe siècle. C'est la politisation du religieux qui entraîna la nationalisation des identités catholiques, orthodoxes et musulmanes dans les dernières décennies du XXe siècle. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Vudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.